pas jamais découragé. Nous comptons ça tout ça qui en mer. Nous comptons la pluie comme le mauvais temps. Mais malgré ça, nous vivons solides. C'est peut-être ça la première. Tout ça que tu es qui t'aimait. Même la locale tape et condé. Même la gouffre tape et soufflé. Y'a pas tes pères. We'll be right back. chauffer, chauffer, chauffer, chauffer. Tiens, ça mauvais. Tiens, ça mauvais, mauvais, mauvais, mauvais, mauvais. Tiens, ça chauffer. Tiens, ça chauffer, chauffer, chauffer, chauffer, chauffer. Chopper, chopper.